Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui donc le cours 16 dans l'explication du livre L'amru bi luzumi jama'at al-muslimina wa imamihim wa tahdhiru min mufaraqatihim. Et c'est le dernier chapitre donc dans ce livre. C'est par rapport aux conséquences, plutôt les causes qui amène à la division de la Jama'a. Et on est donc arrivé à ce dernier point que le cheikh a mentionné, qui est « At-tasaddur lil-ilm al-shar'i min juhalin fi haqiqati amrihim ». Et au dernier cours, on avait commencé à parler un petit peu de ça. On avait lu la première citation, mais je pense que c'est mieux qu'on reprenne du début, puisqu'on n'avait pas vraiment lu beaucoup. Donc, tant qu'à commencer le chapitre, aussi bien de commencer à partir du début pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc ici, le cheikh, il explique dans ce point-là que parmi les choses qui font partie des causes qui amènent à la division de la Jama'a, hein, et qui amènent justement aux rébellions et aux révoltes à la fin par la suite, c'est le fait que des gens qui sont en réalité des ignorants prennent le devant dans l'enseignement de la science religieuse et dans la prêche. Et le fait que ces ignorants-là prennent le devant et commencent à enseigner, eh bien, il y a comme résultat à ça que souvent, ils ont une mauvaise méthodologie dans la façon de comprendre la religion. Et souvent, on voit que c'est dans ces catégories de personnes qu'il y a justement ces individus qui appellent à la rébellion, qui appellent au takfir, qui appellent aux idéologies des khawarij, au terrorisme et à toutes sortes d'autres tendances de ce genre-là. Et parfois même, c'est des gens qui sont considérés comme étant des grands ulama. Malheureusement, ça, c'est ce qu'on a constaté. Hein? Certains parmi les gens que certains considèrent comme des références parmi les musulmans, eh bien, s'ils sont parmi les gens qui penchent vers la méthodologie ou les idéologies des frères musulmans, eh bien, on a vu parmi eux beaucoup d'entre ceux qui essaient de légitimer et de faire accepter l'idée que yani, les attentats suicides, c'est correct, ou que les attentats terroristes sont acceptables, ou des choses de ce genre. Et ça, c'est clair que c'est des gens qui n'argumentent pas en se basant sur la charia d'Allah, mais plutôt ils argumentent en se basant sur leurs émotions et leurs passions, et qui essaient justement aussi parfois, en utilisant ce genre de méthodologie, d'attirer des gens, hein, d'attirer des gens qui vont être sur la même voie que eux pour leur faire plaisir, donc se faire accepter de ces gens-là. Ils vont prôner ces idéologies-là, même si c'est contraire au Coran et à la Sunna, yani ça ne leur dérange pas. Mais comme le cheikh il le dit ici, il dit « Inna al-khawfa ala al-umma min ula'ika alladhina labisu thiyab al-ilm al-shar'i wa ma hum min al-ilm al-shar'i fi shay' la huwa al-khawfa al-sadiq ala al-ummati min al-fassadi wal-inhiraf » ذلك بأن تصدر الجهال في حين فقد العلماء الصادقين المتمكنين باب واسع للضلال والإضلال وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أخرجه البخاري ومسلم. Donc ici le cheikh explique donc que la crainte qu'on peut avoir pour la umma vis-à-vis de ces individus qui ont mis ou qui portent les vêtements des hommes de science mais qui n'ont rien à voir avec la science en réalité, ça c'est une crainte qui est basée sur quelque chose de sincère, de véridique, puisque c'est quelque chose qui risque d'amener à la Oumma beaucoup de désordre et beaucoup de déviation. Et pourquoi? Parce que dans le fait que des individus ignorants se mettent à l'avant de l'enseignement ou de la prêche de la religion, Alors qu'on est dans une période où, disons, le nombre des ulama qui sont sincères et qui sont établis dans la science devient de plus en plus rare, hein? Le nombre des savants sincères devient de plus en plus limité parce que, justement, comme on va l'expliquer, ils meurent de plus en plus. Et la science devient de plus en plus rare. Par conséquent, donc, le cheikh, il dit, ça, c'est une porte très large pour l'égarement et pour la déviation. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait informé de ça, surtout dans la fin des temps. Et il a mentionné le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, Allah n'enlève pas la science en la retirant des serviteurs, mais plutôt il enlève la science par le fait d'enlever les ulama, c'est-à-dire de faire mourir les ulama, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul savant. Alors les gens vont prendre comme leur chef des ignorants auxquels ils vont poser des questions sur la religion, des fatawas, et eux vont répondre à des questions sans science, et donc par conséquent ils vont s'égarer eux-mêmes et ils vont égarer les autres avec eux. Donc ça c'est hein, une des conséquences du fait que les gens ne se réfèrent pas aux ulama et ne profitent pas de leur science, ils prennent comme référence des ignorants et ils les prennent pour des savants et ils les élèvent hein, à des niveaux de savants. Le fait d'élever quelqu'un, ça ne fait pas de lui un savant. Même si tu dis à quelqu'un qui est un ignorant, tu lui dis Anta alim, anta sheikh, wa kada, wa kada. Yani, c'est pas parce que toi tu lui donnes le titre qu'il devient savant automatiquement. Hein? Les savants, on les reconnaît par leur science et par leur piété. Donc si quelqu'un n'a pas de science et n'a pas de piété, même si on l'appelle cheikh, yani, ce n'est pas une référence. Et ce n'est pas seulement le fait qu'il ait de la connaissance du Coran et de la Sunna, mais que sa méthodologie aussi soit une méthodologie qui est correcte. Hein? Si sa méthodologie est corrompue, même s'il a de la connaissance du Coran et de la Sunna, mais sa méthodologie est fausse ou elle contredit celle des pieux prédécesseurs, alors dans ce cas-là, il va donner des fatawas qui sont en contradiction avec les principes et les fondements de l'islam. Donc, ce n'est pas seulement d'avoir de la connaissance et du savoir seulement, mais d'avoir une méthodologie qui est droite et qui est claire pour justement éviter que la personne émette des verdicts religieux qui contredisent la vérité. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit « وَلَقَدْ تَنَبَّهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُخْلِصُونَ لِخُطُورَةِ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ عَلَى دِينِ الْأُمَّةِ وَعَقِيدَتِهَا وَمَصِيرِهَا فَقَضَوْا بِوُجُوبِ الحذر والتحذير منهم وعدم الأخذ عنهم. » Donc il dit, et les ulama, les hommes de science qui sont sincères, hein, ils ont averti contre cette catégorie de personnes dans cette umma. Hein, ils ont averti contre leur croyance et contre les conséquences et la direction vers laquelle ils amènent la umma. Et ils ont jugé que c'était obligatoire de mettre en garde et d'avertir contre ces individus-là et qu'il ne fallait pas prendre d'eux quoi que ce soit de la religion. Hein? On a vu des gens, justement, qui ont de la connaissance. Ils ont appris certaines choses du Coran et de la Sunna. Ils sont très éloquents, ils savent parler, hein? Et ils mémorisent beaucoup de Coran, peut-être même le Coran au complet. Et ils connaissent les hadiths aussi. Et on a entendu de leur part certaines fatawas au début qui sont en contradiction avec le manhaj des salaf. Et à ce moment-là, on a commencé à se poser des questions et à se demander des choses à leur sujet. Comment ces gens-là peuvent contredire comme ça les paroles des grands ulama au sujet des manifestations, au sujet des coups d'État, au sujet des attentats suicides, au sujet des actes de terrorisme? Et eux, ils prétendent que ils ont de la science, puis ils défendent ces choses-là. Donc, on est retourné aux ulama pour leur demander, hein, et pour leur dire, écoutez, il y a des gens chez nous, hein, qui apprennent aux gens certaines choses qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, et en contradiction avec qu'est-ce que nos ulama ont enseigné de cette méthodologie, et ils prétendent être sur la Sunna. Donc, qu'est-ce que vous dites de ces individus-là? Alors, quand on leur a posé ces questions-là, les ulama, ils ont répondu, ils ont dit, écoutez, ces gens-là, même s'ils prétendent être sur la sunna, eh bien, ce ne sont pas des gens qui sont sur la sunna, donc méfiez-vous d'eux et ne prenez pas votre religion de ces individus-là, ils ne sont pas sur la sunna. Alors, à ce moment-là, ces prêcheurs ont été démasqués. Ces prêcheurs ont été démasqués. Et ils ont laissé par la suite, hein, une fois qu'ils ont compris que ils pouvaient plus tromper les gens et que leur vrai visage était démasqué, eh bien, ils ont compris que ça ne servait plus à rien de jouer un jeu. Alors, ils ont laissé voir leur vrai visage. Et ils ont commencé réellement à non seulement dire ce qu'ils pensent réellement, mais attaquer et combattre même les ulama d'Ahl-Sunna et de les dénigrer et de les traiter de noms et yani, de dire ouvertement des choses qui contredisent complètement la méthodologie de Ahl-Sunna wal-Jama'a. Donc par rapport à ça, on voit maintenant à quel point c'est très important de rester accroché aux grands ulama et de retourner vers eux, surtout lorsqu'il s'agit de ce genre de questions-là. Et que si des individus, que ce soit ici à Montréal ou que ce soit dans d'autres villes dans le monde, que ce soit dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans, si des individus se mettent debout dans les mosquées et commencent à prêcher des idéologies ou des choses qui contredisent la méthodologie de nos salafs, eh bien, il ne faut pas hésiter à yani, se séparer d'eux et de les boycotter, ces individus-là, et de ne pas les écouter, et de mettre en garde les autres musulmans vis-à-vis de ces prêcheurs-là. Parce que ces prêcheurs, en réalité, sont une porte vers l'égarement, et si on n'avertit pas les autres à leur sujet, ils risquent d'égarer beaucoup de monde. Hein? Ça, c'est extrêmement important. Le cheikh, il dit ensuite, « Ana anqulu nassayni min kalami ahli l'ilmi, huma rayatan » هما راية في شرح هذا الباب. الأول قول أبي بكر محمد ابن الطيب أو ابن الطيب الباقلاني رحمه الله تعالى. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن أهل البدع والضلال من الخوارج والروافض والمعتزلة قد اجتهدوا أن يدخلوا على أهل السنة والجماعة شيئا من بدعهم وضلالهم. فلم يقدروا على ذلك لذب أهل العلم ودفع الباطل حتى ظفروا بقوم في آخر الوقت ممن تصدى للعلم ولا علم له ولا فهم ويستنكفوا ويتكبروا أن يتفهم أو يتعلم لأنه قد صار متصدرا معلما بزعمه فيرى بجهله أن عليه في ذلك عارا وغضاضة وكان ذلك منه سببا إلى ضلاله وضلال جماعته من الأمة. انتهى كلامه. Donc ici le cheikh il explique que là il y a une parole, il y a deux paroles qu'il va mentionner, des paroles des ulama qui clarifient ce sujet dont on parle maintenant dans ce chapitre. Et le premier c'est une parole de Al-Baqilani et il dit, sachez qu'Allah nous fasse la miséricorde ainsi qu'à vous-même, que les gens de bid'a et d'égarement parmi les khawarij et les rawafid, khawarij on les connaît, c'est la secte des gens qui font le takfir des musulmans lorsqu'ils commettent des péchés et qui font le takfir des dirigeants et qui appellent à la rébellion, et ce sont ceux aujourd'hui qui sont connus comme ceux qui prônent les actes de terrorisme et qui prétendent faire le djihad avec le terrorisme et des choses de ce genre. Donc ça, c'est les khawarij. Les rawafid, c'est les shi'a, rafida. Hein? Et al-mu'tazila, c'est une autre secte parmi les sectes qui rejettent les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui rejettent et refusent de croire en la prédestination aussi. Hein? Ils rejettent de la foi en al-qadar. Et de même qu'ils donnent précédence à leur raison sur les versets du Coran et de la sunna. Donc, ça, c'est parmi leurs égarements, et ils en ont beaucoup d'autres aussi. Et donc, ces groupes-là, ils ont fait des efforts pour essayer de faire rentrer leurs égarements chez les gens d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Hein? Ils ont essayé de faire rentrer chez eux leurs innovations et leurs égarements, mais ils n'ont pas été capables de le faire. Parce que ça, c'est une chose qui est connue. Les gens de Bid'a, ils cherchent toujours un moyen pour essayer de faire pénétrer leurs innovations parmi les gens qui sont sur la Sunna, pour essayer d'attirer justement les gens de la Sunna vers leurs innovations. Mais ils n'y arrivent pas. Alors ils cherchent des méthodes et des ruses pour le faire. Et donc il dit, une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas capables de faire pénétrer leurs innovations chez les gens de la Sunna, c'est premièrement parce que les hommes de science sont là pour défendre la aqida et la croyance des gens et pour repousser le faux. Donc chaque fois que ces innovateurs-là viennent avec leurs innovations et leurs shubuhat, eh bien les ulama de la Sunna viennent pour les réfuter et pour les repousser. Et donc, ils n'y arrivent pas. Jusqu'à ce que, il dit, vers la fin des temps, des gens vont se présenter comme étant des gens de science alors qu'ils n'ont aucune science ni compréhension et commencent à prêcher et enseigner. Ou bien plutôt que des gens commencent à prêcher et enseigner sans avoir réellement de science. Et à cause de ça, ils peuvent pas apprendre parce qu'ils sont déjà mis en place. Ils se sont déjà placés comme enseignants, comme professeurs, comme cheikh. Donc, si quelqu'un il s'est déjà mis comme enseignant, comment il va accepter de s'asseoir pour étudier par la suite avec les savants? Ça y est, lui, il dit, moi, ça y est, je suis déjà arrivé. J'ai déjà commencé à enseigner, j'enseigne aux gens. Comment moi, je vais m'asseoir pour apprendre? Il devient orgueilleux, il devient fier. Il ne va pas accepter de reconnaître qu'il est ignorant. Parce qu'il il a pris une place d'enseignant et de professeur. Alors, il refuse de revenir en arrière maintenant. Et ça, c'est une des causes, parce qu'il voit que de s'asseoir pour apprendre, maintenant, c'est devenu une honte pour lui. Donc, à cause de ça, il devient une cause d'égarement pour les gens et un égarement pour lui-même aussi. Donc, et il égare un groupe parmi les gens de la Oumma à cause de ça. Ça, c'est la première citation. La deuxième citation, c'est la parole de Ar-Raghib al-Asbahani, rahimahullah, et il dit... لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدين للرئاسة بالعلم فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر قال ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق وأحدثوا بجهلهم بدعا استغنوا بها عامة واستجلبوا بها منفعة ورئاسة فوجدوا من العامة مساعدة بمشاركتهم لهم وقرب جوهرهم منهم وفتحوا بذلك طرقا منسدة ورفعوا به سطورا مسبلة وطلبوا منزلة الخاصة فوصلوا بالوقاحة وبما فيهم من الشرة فبدعوا العلماء وجهلوهم اغتصابا لسلطانهم ومنازعة لمكانهم فأغروا بهم أتباعهم حتى وطؤوهم بأظلافهم وأخفافهم فتولد بذلك البوار والجور العام والعار انتهى كلامه فهذان النصان الجميلان أدعو أهل العلم وطلابه لتأملهما والنظر في معناهما أو في معناه نعم في معناهما وتأمل واقع المسلمين اليوم على ضوء ما شرحه هذان العالمان الكبيران هل حل بالناس ما حل من انحراف أو من انحراف بعض الشباب في معتقده وظهور بوادر الفتن وتجرؤ الصغار على كبار الأئمة وعلماء الدعوة وخروجهم عن طريقتهم المستقاة من الكتاب والسنة والأثر مع معرفة تامة بمقاصد الشريعة ومواقع المصلحة إلا لاختلال الميزان الذي يوزن به العلماء وارتقاء من لا علم له إلى مصاف الكبار. Donc ici, le cheikh il a mentionné la deuxième citation de l'imam Raghib al-Asbahani, rahimahullah, dans laquelle il explique que il n'y a pas de doute que parmi les choses qui font partie des devoirs les plus importants et plus obligatoires pour le dirigeant, c'est de gérer et de surveiller les états de ceux qui se mettent de l'avant pour enseigner et pour être à la tête dans l'enseignement de la science. Il dit parce que le fait d'avoir des manquements vis-à-vis de cette obligation-là, eh bien, c'est ce qui amène à la propagation du mal et que les gens de mal se multiplient et ça sème par la suite, ça va faire tomber les gens dans la haine et dans les conflits les uns contre les autres à cause de ça. Et c'est ce qu'on voit justement à notre époque. Et le cheikh, il dit... Quand on voit que des individus ont essayé justement de se placer ou de se mettre à la place des responsables de la science ou des gens qui ont de la science alors qu'ils ne méritent pas cette position-là ou ce statut-là, eh bien avec leur ignorance, ils ont innové plein de bid'a et ils ont essayé par ça de se rapprocher de la masse et des musulmans du commun. Et d'attirer ces gens-là pour obtenir justement la position de tête dans la société. Et donc, étant donné que ils se sont, si on veut, rapprochés de la masse des gens, ils se sont rapprochés de la masse et des gens du commun, et ils ont essayé de se faire apprécier d'eux et de se faire accepter d'eux pour justement essayer de prendre un statut ou une place auprès d'eux. Puis, par la suite, ils se sont rapprochés de ceux qui ont du pouvoir pour essayer justement d'obtenir des privilèges ou des positions de leur part et par la suite se permettre d'attaquer les vrais ulama et de leur usurper, wa alaykoum salam, de leur usurper leur position et leur autorité, pour leur enlever leur statut et de se substituer à leur place. Et donc, ils ont réussi à tromper beaucoup de leurs adeptes et de leurs fidèles en agissant de cette façon-là. Et par la suite, ils ont réussi à piétiner ou essayer d'écraser leur fidèles, et on a vu qu'est-ce qui a découlé de ça comme honte et comme injustice de façon générale. Et il dit que ces deux textes, qui sont des textes qui sont extrêmement beaux, invitent les hommes de science ainsi que les étudiants, il invite les étudiants et les hommes de science à réfléchir sur ces deux textes-là et à les analyser dans leur signification par rapport à qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement à la lumière de qu'est-ce que on peut comprendre de ces textes-là. Donc ça, c'est deux grands savants parmi les grands savants, et qu'est-ce qu'ils ont dit dans ces citations-là, c'est quelque chose qui explique un petit peu qu'est-ce qui se passe maintenant, comme je disais tout à l'heure. Il dit, toutes les déviations qui sont rentrées aujourd'hui chez les jeunes dans leurs croyances, et toutes les différentes tribulations et les fitanes, les problèmes qui s'introduisent maintenant chez les jeunes, chez les gens en général, c'est uniquement pour une raison, et c'est parce que les petits se sont permis et ont eu l'affront de vouloir prendre le devant des grands ulama et des grands imams. Et encore aujourd'hui, c'est ça ce qu'on constate. Même aujourd'hui, par exemple, dans la fitna qui se passe actuellement dans certains pays musulmans, lorsque, par exemple, les grands ulama ont parlé dans une situation ou dans un problème, eh bien, ils n'écoutent pas les grands ulama, ils refusent d'écouter les grands ulama et ils préfèrent se faire leurs propres opinions ou suivre leurs propres opinions alors que ces ulama n'ont parlé qu'avec science. Hein? Donc ça, c'est une question qui est dangereuse et grave. Je me rappelle d'une époque où, lorsque, par exemple, les grands ulama comme Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid, s'ils mentionnaient quelque chose à propos d'un individu et qu'ils mettaient en garde à son sujet, personne n'allait même douter de quoi que ce soit à ce sujet-là et ils allaient prendre tout de suite cette mise en garde et la prendre et la mettre en application. Aujourd'hui, dans la fitna actuelle, combien de fois Cheikh Rabi' il a mentionné, par exemple, sa position vis-à-vis de la fitna et qu'il a défendu les gens qui ont été attaqués et dénigrés injustement et qu'il a défendu la vérité sur ces questions-là. Et malgré tout, tu vois que ces gens de la fitna aujourd'hui, ils n'écoutent pas ce que le Cheikh Rabi' a dit. Et ils ne tiennent pas compte de ce que le Cheikh il dit. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le Cheikh, ça y est, hein, il est devenu vieux, il est devenu âgé, il ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est clair que c'est une insulte et un dénigrement total de son niveau de science et de sa compréhension. Hein? Ils prétendent aussi que ceux qui sont autour de lui lui ont déformé la réalité et lui ont menti. Et donc, lui, il se fait avoir. Hein? Et il ne comprend plus rien de la réalité parce que ceux qui sont autour de lui le manipulent. Mais ça, c'est des insultes totales. Hein? C'est un manque de respect total de dire ce genre de paroles. Et c'est des choses qu'on entendait à l'époque de la part des gens de Bid'a et des Hizbiyin qui justement dénigraient les ulama en disant ce genre de choses-là. À propos de Cheikh Ibn Baz, à propos de Cheikh Ibn Uthaymin, à propos de Cheikh Al-Albani. Et aujourd'hui, hein, la même chose qui se répète, ils le disent, mais maintenant ils le disent à propos de d'autres parmi les ulama qui font partie des grands, parmi les kibar al-ulama, encore une fois. Donc le Cheikh, il dit, ces gens-là, hein, ces petits qui osent, hein, s'attaquer ou dénigrer les grands, hein, ils sortent de la voie de ces grands ulama qui tirent leur connaissance et leur compréhension du Coran et de la Sunna. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et des narrations des salafs à ce sujet-là. Naam, ces ulama qui suivent cette voie, la voie des salafs, qui est tiré de la compréhension du Coran et de la Sunna et des narrations, avec la compréhension totale des choses qui sont les objectifs de la charia et les buts de la charia, de même que les éléments qui ont rapport avec les intérêts et le bienfait de la da'wa et le bienfait de la religion. Donc celui qui se détourne de leur voie, il se détourne de sa voix uniquement parce que sa référence ou sa balance, la balance sur laquelle il se base pour juger entre les choses, elle est défaillante, elle est brisée cette balance. Donc il ne juge plus les choses avec la bonne valeur et il ne donne pas aux ulama leur vrai poids. Hein? Et ils élèvent dans la science ceux qui n'ont aucun degré par rapport aux grands ulama, mais ils les élèvent au degré des grands ulama. Nasallallahu al-afiyah. Et le Cheikh dit: Wa laqad sadaqa al-sahabi al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa huwa sadiq indama qala innakum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu قليل سؤاله كثير معطوه العمل فيه قائد للهوى وسيأتي بعدكم أو سيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معتوه الهوى فيه قائد للعمل اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعد العمل أخرجه البخاري في الأدب المفرد. Écoutez cette parole que le cheikh il a mentionnée, qui est la parole du compagnon, hein, le sahabi Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et il dit ça, c'est une parole de vérité. Lorsqu'il a dit, vous êtes dans une parole, dans une période, il y a beaucoup de savants et il y a peu d'orateurs. Hein? Il y a peu de questionneurs aussi. Et beaucoup qui sont là pour donner la science. Et c'est l'action qui guide les passions. C'est-à-dire l'action est au devant, hein, a pris le devant sur les passions. Mais il y a une époque qui va venir après vous. Il y aura peu de savants, beaucoup d'orateurs et beaucoup de questionneurs et peu pour répondre et donner. Et la passion va avoir le dessus et va guider les actions des gens. Il dit, alors sachez que d'avoir une bonne guidée, hein, d'être sur une bonne guidance à la fin des temps, c'est meilleur que beaucoup de que yani, la plupart des actions ou certaines actions. Donc parfois, le fait de faire beaucoup d'actions, peut-être quelqu'un peut faire beaucoup d'œuvres ou faire des actions, mais il n'est pas sur une bonne guidance. Donc, à quoi ça sert de faire beaucoup d'œuvres si quelqu'un n'est pas sur la bonne guidance? L'important, c'est de faire des œuvres, mais qu'elles soient basées sur la bonne guidance, c'est-à-dire les œuvres qui sont faites sur le Coran et la Sunna, selon la compréhension des premiers musulmans, c'est-à-dire les Sahaba et ceux qui les ont suivis. Ensuite, le Cheikh, il dit, وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَسَنَدُهُ صَحِيحِ وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ انْتَهَ كَلَامُهُ. Donc, Al-Hafiz, c'est Al-Hafiz ici, il s'agit de Ibn Hajar Al-Asqalani. Il dit dans Fath al-Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari, que cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud, elle est basée sur une chaîne de transmission qui est authentique. Et il dit, ce genre de propos ne se dit pas, ça ne fait pas partie des paroles qu'il se disent en se basant sur l'opinion. C'est-à-dire que cette parole-là, en fait, de Abdullah ibn Mas'ud, elle ne vient pas de son propre opinion, mais elle est inspirée de la révélation. Elle est inspirée de ce qu'il a entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on peut dire dans ce cas-là que le jugement de cette parole, c'est un jugement d'une parole qui découle des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, وقد أخرج هذا الأثر أيضا الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه إلى آخره وقال ابن عبد البر في الاستذكار هذا الحديث قد روي عن ابن مسعود من وجوه متصلة حسان متواترة ثم قال ابن عبد البر ثم قال ابن عبد البر والعيان في هذا الزمان على صحة معنى هذا الحديث كالبرهان انتهى كلامه وهذا في زمانه رحمه الله فكيف بزماننا هذا الشيخ il dit que cette parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu elle a été mentionnée par l'imam Malik dans la Muwatta selon Yahya ibn Sa'id, qui dit que Abdullah ibn Mas'ud a dit cette parole à quelqu'un en disant on est dans une époque, ou bien tu es dans une époque dans laquelle il y a beaucoup de savants, il y a peu d'orateurs et ainsi de suite, comme on l'a lu tout à l'heure. Et Ibn Abd al-Barr, hein, le grand savant, l'imam, il dit dans son livre Al-Istidkar à propos de cette narration de l'imam Malik dans la Muwatta que ce hadith-là, il a été rapporté selon Ibn Mas'ud de plusieurs façons avec des chaînes de transmission qui sont rattachées, hein, et qui sont hisan, c'est-à-dire elles sont bonnes, et mutawatira, c'est-à-dire c'est tellement rapporté par tellement de gens, impossible que ce soit pas vrai, hein. Il y a trop de gens qui l'ont rapporté pour que ce soit un mensonge. Et il dit, et ensuite, Ibn Abd al-Barr, il dit, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui à notre époque. Il parle de son époque à lui, c'est-à-dire le 5e siècle, hein, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, parce que lui, il vivait dans les années 400 et quelques, en Andalousie, à l'époque. Et il dit, c'est ce qu'on voit, ce que Abdullah ibn Mas'ud a dit, on le voit à notre époque. Il dit, Ya'ani, subhanallah, le cheikh dit, si c'était ça à son époque, que dire de notre époque à nous aujourd'hui? On est 1000 ans plus tard, hein? 1000 ans plus tard après l'époque de l'imam Ibn Abd al-Barr, et lui, il disait ça à son époque, 1000 ans avant. Que dire aujourd'hui? Hein? Aujourd'hui, yani, subhanallah, nasallallahu alayhi wa sallam, si tu vois des gens, comment ils contredisent ouvertement le Coran et la Sunna dans les mosquées d'Allah. L'imam, il se tient sur le minbar, il fait ses discours, il contredit le Coran, il contredit le hadith devant tout le monde et personne ne dit rien. Hein? Personne ne dit rien. Yani, subhanallah, il y en a même des fois, peut-être même l'imam, il dit des paroles, à la limite, yani, ça, c'est sur le bord de la mécréance. Yani. Peut-être même des fois, c'est clair que c'est de la mécréance, mais personne ne dit rien. Pourquoi? Parce que soit ils ne savent pas, ou soit yani, c'est pas leur intérêt, ils sont pas, c'est pas là que se tient leur intérêt. Ils ont d'autres choses à penser. Ils viennent à la Jumu'ah, ce n'est pas pour réellement apprendre, parfois, c'est juste pour faire acte de présence parce que c'est une obligation. Il dit, je n'ai pas le choix de venir, donc je viens, je m'assois et puis je m'en vais. Qu'est-ce qui rentre? Ça rentre ici dans l'oreille, puis ça sort de l'autre côté. Ça s'arrête là. Malheureusement, c'est comme ça. Donc c'est ça. On a complété maintenant le livre de Cheikh Abdus Salam ibn Burgis, rahimahullah. Et le Cheikh, il est décédé très jeune, très jeune âge. Il faisait partie des Toulab al-Ilm qui étaient vraiment sérieux, hein, et qui suivaient une méthodologie droite et claire. Et il est décédé, rahimahullah, d'un accident. Je pense que, si je me souviens bien, il était en voiture, puis c'était la nuit, je pense, puis. Sans yani, un accident, il a heurté un chameau sur la route. Et ça l'a tué, yani. Donc, il est décédé à un âge très jeune. Mais malgré son jeune âge, il a fait beaucoup d'efforts pour la science et pour la connaissance et l'enseignement, hein. Il a écrit ce livre, il a écrit aussi l'autre livre, le Mu'amalat al-Hukam fi Daw al-Kitab wa Sunnah. Il a écrit le livre Al-Mu'taqad al-Sahih. Hein? Il a écrit aussi le livre sur Al-Tawassul, hein? Al-Tawassul al-Sahih ou Al-Tawassul al-Batil. Il a expliqué ça. On a fait ces livres-là. Tous ces livres-là, on les a fait. Mu'amalat al-Hukam, on l'a fait. L'autre livre, Al-Mu'taqad al-Sahih, on l'a fait au séminaire à Québec. L'autre livre qu'on a dit là, c'était sur Al-Tawassul al-Mashru' ou Al-Tawassul al-Mamnu', quelque chose comme ça. On l'a fait aussi ce livre là, c'est un petit livre très bénéfique, très intéressant. On l'a traduit. Et puis, il y en a beaucoup d'autres encore. Franchement, il a laissé beaucoup de choses très intéressantes. Très bénéfique. Il a aussi fait beaucoup de tahqiq des livres des ulama anciens, hein, surtout des imams de la da'wa, qui réfutent les oppositions qui ont été, ou les objections qui ont été présentées par les innovateurs contre la da'wa de Mohammed ibn Abdul Wahhab et ses élèves. Donc il a publié et vérifié beaucoup de ces ouvrages-là, puis les a réédités. Donc il a fait ça, il a fait beaucoup d'autres choses aussi, il a des conférences, même des vidéos sur YouTube de lui, si vous les cherchez, hein, son nom, Cheikh Abdussalam Ibn Burgis Al-Abdul Karim, vous le cherchez, vous allez trouver, yani, ses cours sont disponibles sur Internet. Et donc c'est ça, donc Rahimahullahu Ta'ala wa Jazahullahu Khayran lima qaddam. ونسأل الله له القبول والتوفيق ويعني أن يرفعه الله سبحانه وتعالى في الجنة وأن يغفر له ذنوبه وأن يجعل الثواب يعني لهذا هذه الترجمة البسيطة إن شاء الله في ميزان حسناته، يعني لأنه يعني من عمله، يعني لأنه هو الذي قام بكتاب وبتأليف هذا الكتاب. Donc c'est un livre très bénéfique et très intéressant qui clarifie beaucoup d'éléments qui sont devenus un grand problème à notre époque. La question de l'obéissance aux dirigeants et de yani le fait de rester avec la jama'a et de ne pas faire des conflits et des problèmes, c'est devenu un élément très important à notre époque parce que la méthodologie et les idéologies des khawarij est devenue quelque chose qui a été tellement répandu à notre époque à cause de l'ignorance des musulmans sur beaucoup d'entre eux qui sont ignorants de ces questions-là sur le plan de du Coran et de la Sunna, à cause de toutes les passions des gens et tout ça. Donc c'est important que les musulmans soient éduqués sur ces sujets-là, selon la méthodologie des salafs, pour qu'ils comprennent réellement qu'est-ce que l'islam enseigne sur ces choses-là, au lieu de se référer à des idéologies des koufars ou des idéologies des gens de bid'ah sur des sujets pareils. Donc on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puis aussi juste peut-être un dernier point que je voulais mentionner avant de terminer, c'est que يعني les mashaykh et les ulama, ils ont mentionné beaucoup aussi par rapport à, comme le dernier point qu'on a expliqué, par rapport à les gens de qui on étudie ou on prend la religion. Et c'est bien de vérifier, par exemple, les gens de qui on prend leur science, de savoir, par exemple, qui sont leurs références. C'est de qui ils ont appris. Et aussi, yani, leurs références, qu'est-ce qu'ils enseignent. Et yani, de voir que, est-ce que leurs paroles, quand ils enseignent quelque chose, est-ce que c'est en contradiction avec qu'est-ce que les salafs ont enseigné ou non. Est-ce que c'est contraire au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salafs. Et aussi, qu'est-ce qui est important aussi pour les musulmans, c'est de se sentir responsable ou de sentir qu'ils ont une responsabilité d'adhérer à la compréhension des salafs et de suivre leur méthodologie. Et non pas juste yani, de faire comme si ils n'étaient pas concernés par ce sujet-là. Ou comme si cette chose-là ne les touchait pas. Et comme s'ils n'ont pas besoin d'y adhérer à cette méthodologie-là. Comme si c'était quelque chose qui est complètement, comme on dit, comme si c'est quelque chose, si tu veux le faire, tu le fais. Mais si tu ne veux pas le faire, ce n'est pas grave. Comme si c'était un choix. Non, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de les suivre. Hein? Dans le Coran, il dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ. Si tu suis autre que la voie des sahaba, Allah, il te garantit l'enfer. Et aussi en même temps, il dit à propos des salafs, il dit الَّذِينَ يعني dans le verset dans surat At-Tawbah, le verset 100, il dit السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ceux qui ont été les premiers qui ont cru, hein, et qui ont accepté la foi parmi les muhajirin et les ansar. Et ensuite il dit والذين اتبعوهم بإحسان. Et ceux qui les ont suivis de la façon la plus complète et la plus parfaite. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Donc ça veut dire que si tu veux qu'Allah soit satisfait de toi, il y a seulement une seule possibilité. Soit que tu fasses partie des sahaba, ou soit que tu fasses partie de ceux qui les suivent. Mais tu ne peux pas faire partie des sahaba parce que tu n'as pas vécu avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne fais pas partie des muhajirin ni des ansar. Donc, ton option, la seule option qui te reste maintenant, c'est de faire partie de ceux qui les suivent. Mais qui les suivent avec ihsan. Et de les suivre avec ihsan, les ulama, ils ont dit, c'est-à-dire de les suivre avec itqan, avec perfection. Avec perfection, c'est-à-dire dans leur méthodologie, dans leur compréhension de la religion, dans la façon comment eux ont compris le Coran et la Sunna. Ça ne veut pas dire que tu vas être parfait dans ta religion, dans le sens que tu ne fais pas aucune faute, aucun péché, aucune erreur. Parce que ça, personne. Hein? Personne ne peut prétendre à ça. Même les sahaba, hein? Ils peuvent parfois commettre des péchés ou des fautes. Puis par la suite, ils se repentent à Allah. Et nous aussi, si on suit leur méthodologie, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas commettre de péché ou de faute. Mais quand on commet un péché ou une faute, on va se repentir à Allah et revenir sur la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais de suivre leur méthodologie, c'est justement de suivre leur façon de comprendre les textes et la façon de les mettre en pratique. C'est ça la signification de les suivre avec ihsan. D'accord? Et donc, ça, c'est une obligation. Ce n'est pas quelque chose qui est recommandé ou qu'on a le choix. Ce n'est pas j'ai le choix d'être un shi'i ou d'être un khariji ou d'être un soufi ou d'être un tabliri ou d'être un tijani ou un bouchichi ou un saharwardi ou d'être un ikhwani. Non, tu n'as pas le choix. Ça, c'est dire, il y a une seule voie qui mène au paradis puis il y a les autres voies qui mènent à l'enfer. Et le prophète, il a tracé la ligne droite par terre. Il a dit, ça c'est le chemin d'Allah. Puis après, il a tracé à côté, à gauche et à droite, des petits traits. Il a dit, ça c'est les chemins de l'égarement. À la tête de chacun d'entre ces chemins-là, il y a un shaitan qui appelle. Celui qui les suit, ces petits chemins-là, il rentre en enfer. Puis il a cité le verset dans le Coran, « وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ » وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ hein? Il a tracé le trait, il a dit, voici le chemin d'Allah dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous diviser de son chemin. Donc la voie d'Allah, c'est un chemin qui est unique. Hein? Et la voie des sahaba, c'est un chemin qui est unique. Ils ont tous suivi la même aqida, la même compréhension, la même méthodologie. Hein, dans l'aqidah et dans les fondements de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette umma s'est divisée en 73 sectes. Elles seront toutes en enfer excepté une. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix que de suivre cette voie-là, qui était leur voie. Si quelqu'un il suit quelque chose d'autre que leur voie, il n'est pas sur le chemin de ceux qui sont sauvés. Donc ça, c'est une réflexion puis un rappel à ce sujet-là parce que c'est extrêmement important, surtout à notre époque, parce que beaucoup de gens combattent cette méthodologie et cette da'wa à notre époque. Et sur tous les plans et sur tous les niveaux. Et il y a beaucoup de gens qui sont susceptibles du fait qu'ils voient que c'est une question de nombre. Ah. La majorité des musulmans, ils ne sont pas sur cette voie-là, donc ça veut dire, moi je suis la majorité. Mais si tu te bases sur la majorité, tu vas être en grande partie, tu vas aller dans l'égarement malheureusement. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, yani, « وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » Si tu obéis à la plupart des gens sur terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون la plupart des gens ils ne croient pas, la plupart des gens ils ne savent pas, la plupart des gens ils ne réfléchissent pas. Donc si tu te bases sur la qu'est-ce que la plupart des gens qu'est-ce qu'ils font, c'est là que ça va t'amener hein, à l'égarement. C'est ça que ça veut dire. Donc on va s'arrêter encore pour de vrai ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.